Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ya ibadallah, on se doit, une fois de plus, et comme à chaque fois, de remercier Allah Azza wa Jal et de le louer. Nashkuru wa nahmaduhu ala tawfiqihi lana wa bimannihi lana bi ihsanihi. Qu'on doit le remercier et le louer sans cesse pour ce qu'il nous accorde comme tawfiq, comme bienfaisance et bienfait ce qui s'ensuit. Même si très peu s'en rendent compte et très peu le réalisent, et que la plupart des gens soient dans, on ne va pas dire l'autre monde car ce ne serait pas une bonne expression, mais qu'ils soient ailleurs. Là, je pense qu'à l'heure qu'il est, dans ce pays, on ne trouvera qu'une poignée minime de personnes qui sont là en train de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, alors que des millions et des millions, peut-être même des milliards, de gens là sont concentrés sur Paris. D'accord ? Des milliards de personnes sont concentrées sur Paris. Car vous savez ce qui se passe actuellement là à Paris et à compter d'aujourd'hui. Non. Les koufars sont des koufars. Vous voyez ? Les koufars, ce sont des koufars. Donc leur cas, il est clair. Leur cas, il est wadih. Maintenant, qu'en est-il des muslimines ? Qu'en est-il des muslimines ? Qui se réjouissent de tels événements, qui participent à de tels événements, qui accueillent de tels événements et qui s'y intéressent ? Et là, vous savez qu'on parle des Jeux Olympiques. D'accord ? Et une fois de plus, les gens ignorent l'origine des choses et ne cherchent pas à se renseigner quel est le sens, qu'est-ce que cela renferme et d'où cela provient. Donc si jamais tu demandes aux gens c'est quoi les Jeux Olympiques, ils vont te dire c'est une compétition sportive entre différents pays dans différentes disciplines. Jusque-là, tout pourrait aller bien. Mais bon, même ça, ce serait déjà pas beaucoup pour nous. On leur dit, tu sais d'où ça vient les Jeux Olympiques ? L'origine des Jeux Olympiques ? Et en réalité, à part ceux qui ont un peu de culture, ils ne sauront pas te répondre. Tu lui dis, le mot olympique, il vient du mot Olympe. Tu lui dis, c'est quoi l'Olympe ? Certains connaîtront, mais la plupart ne connaîtront pas. Tu lui dis, l'Olympe, c'est une montagne qui se trouve en Grèce. Une montagne, jusqu'ici tout va bien. Rien à dire. Mais quelle était cette montagne ? Quelle était sa particularité ? Dans l'Antiquité grecque, chez les Grecs, et cela avant, selon le calendrier chrétien, près de moins d'un millénaire avant la venue de Isa, alayhi salam, selon leur calendrier. D'accord ? Les Grecs étaient encore, bien sûr, dans le shirk wadih, polythéisme. D'accord ? Et même un shirk qui touchait non pas seulement l'uboudiyya, mais également l'ruboubiyya. Et à ce moment-ci, fat kazalik. Donc eux, ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient, avec qui ils avaient chacun décrété une tâche particulière. Et l'Olympe, c'était justement le mont des dieux. C'est la montagne sur laquelle habitaient les dieux, selon eux. D'accord ? Cette montagne-là, donc, elle avait c'était un symbole pour eux. Et malgré qu'ils avaient différentes divinités, tu verras que les mouchtikounes, de façon générale, même les hindous, ou même les bouddhistes, tout ça, il y a toujours un qui domine. Ça vient toujours en un, en particulier. D'accord ? Et eux, chez les Grecs, le principal, c'était Zeus. D'accord ? C'était le dieu des dieux, le suprême. Donc ces Jeux Olympiques, pour ceux qui ne savent pas, à la base, étaient comme forme de rituel, de compétition pour plaire aux dieux. D'accord ? C'était les Grecs qui faisaient ça. Ils luttaient, ils faisaient de la course, différentes disciplines. Et cela, pour remercier leur divinité. Donc, c'était quoi ? Une ibada, une adoration. Et shirkiya purement. Mahd. Et ce qui est surprenant, c'est que par la suite, lorsque l'Empire romain s'est développé, eh ben, les Romains ont fait cesser ces Jeux olympiques. D'accord ? Les Romains ont mis un terme à ces Jeux olympiques. Pourquoi ? Car ces Romains étaient des Nassar, des chrétiens, comme on dirait aujourd'hui. Et évidemment, les précédents parmi eux étaient meilleurs que ceux de maintenant. Ils avaient une réelle jalousie pour leur religion. Ils avaient encore une part de vérité qui restait dans le fait d'unifier Allah. D'accord ? Donc pour eux, ils avaient bien vu que ces jeux-là, c'était des trucs purement païens, purement polythéistes. C'était inacceptable pour eux de voir des gens qui adorent différentes divinités et des idoles. Donc ils ont fait cesser ça. Et justement, ce sont ce genre de Romains pour lesquels les Sahaba étaient contents, se réjouissaient de leur victoire contre les mouchriquines à l'époque, car ces Romains-là étaient plus proches de la vérité, excusez-moi de le dire, que beaucoup de musulmans aujourd'hui de l'islam. Ils avaient une réelle pour leur religion et pour leur seigneur, plus que de bien des musulmans n'en ont aujourd'hui la preuve, ce qui se passe actuellement. Les Romains l'ont fait abolir, et nous, du moins, ça est revenu après par la suite, et maintenant tu vois les musulmans qui y participent. Ils y participent. C'est pas seulement ils regardent ou non, ils sont dedans. Les pays d'islam, dans là, ils participent. Tu vois, ils participent à ces jeux qui, de base, sont des rites polythéistes. Ou les azubillah. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, et qu'on le répète sans cesse, que celui qui n'apprend pas le tawhid, il va s'éparpiller, il va se perdre. Il aura beau dire « Alhamdoulilah » après avoir mangé. Il a beau ne pas manger de porc. Il a beau dire « Starfullah » comme ils disent. Il a beau dire « Mashallah » dès qu'il marque un but. Il va se perdre. D'accord ? Parce qu'il n'a pas le cœur de la religion, c'est le tawhid. Celui qui a le tawhid, ce genre de choses, bismillah, il décèle. Donc ces actes-là, ça revient à cautionner la chose qui contredit le plus l'islam. C'est le shirk. Et Allah Azzawajal yaqul an ibadihi, ibad al-Rahman, allazina la yashhaduna az-zur, wa iza marru bil-lahwi marru kirama. Il a dit à propos des serviteurs de Rahman dans Surat Al-Furqan, à la fin, il donne différentes caractéristiques de ses serviteurs. Il a dit c'est ceux qui ne participent pas au faux. D'accord, le zour, c'est le mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est inutile, tout ce qui est mauvais. On appelle ça zour. C'est-à-dire que normalement, tout ce qui est zour, le musulman n'y participe pas. Il ne cautionne pas. Il n'approuve pas. Et comme ils disent aujourd'hui à notre époque, il ne valide pas. D'accord ? Ou ils marrou billahoui, marrou kirama. Et c'est encore s'il passe devant des futilités, il ne prête pas attention. Il ne s'y intéresse pas. Et évidemment, ces Jeux Olympiques rentrent dedans ta main. Ça, ça nous rappelle un petit peu la masala qu'il y avait eu à l'époque, qui avait fait un rod à le dénommé Compantondine, qui avait fait sa fatwa sur le fait de pouvoir porter du Nike, sous prétexte que c'était une. Dans le cas où ça aurait été vraiment un Nike, ça aurait été vraiment Athéna, qui d'ailleurs faisait partie des déesses qui étaient adorées à l'époque sur le mont Olympe, justement. D'accord ? Je crois même que ça devait être la femme de Zeus, ou voilà, elle était proche de lui en tout cas, voilà, ce là. Que dans le cas où vraiment Nike, ou Nike, ça aurait été vraiment ça, d'accord, on va sur la base que ça aurait été ça, parce qu'il y a toujours encore un nombre de doutes dessus, mais bon. Comme c'est une divinité qui n'est plus adorée, alors, il n'y a plus lieu de combattre. Cette règle qui ne tient pas debout, qui contredit le usul du din. Parce que comme on l'expliquait la dernière fois, ça veut dire que si ce qu'il dit c'est vrai, bon aujourd'hui je peux prendre un t-shirt ou une marque, elle l'appelle l'Uzza. C'était l'évinité que Quraysh ils adoraient. Ou l'At. D'accord ? Donc je peux venir normal, vu qu'aujourd'hui c'est plus adoré. Fahimtum ? Donc ça, cette règle-là, je ne sais pas d'où elle vient, et même s'il y a un savant qui l'a dit, cette règle-là qu'on fait contredit les Usul, donc elle n'a même pas lieu d'être prononcée. Vous voyez ? Ben là, ça va être pareil. Les gens vont dire oui, mais c'est bon, on n'adore plus, nous, là, on fait juste du sport. D'accord ? Naqul qu'Allah Azza wa Jal ma qadarullahu haqqa qadarihi, qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Vous vous rendez compte que là, c'est une chose qui d'origine vient, une chose qui a été combattue même par les chrétiens. Aujourd'hui, ça a été remis à jour, et c'est juste un sport. Vous pensez que c'est juste un sport, il y a autant d'argent qui est généré ? C'est un phénomène mondial. Ils en viennent à couper les routes à expulser des gens de leur maison, d'accord, à faire je ne sais combien de mettre en place juste pour un sport comme ça, simple sport. C'est qu'il y a des choses derrière. Donc on dit normalement, nous, il nous convient, ou plutôt il ne nous convient pas de porter attention à cela, de nous y intéresser, et alors encore pire, d'y assister, de s'en réjouir. À la base, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors dans son cœur, et cela est le niveau le plus bas de la foi. Et là, c'est même pas blâmé, c'est applaudi, c'est acclamé. C'est accueilli. Montana, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi l'origine. Peut-être qu'ils seraient excusés par leur ignorance. Mais à la base, le muslim, dans tout ce qui s'investit, il regarde c'est quoi à la base cette chose-là. Voilà, même demain, tu as un vêtement, il y a écrit une chose dessus, d'une langue que tu connais pas, dis, il y a écrit quoi là-dessus? Tu dis, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est quoi le sens? Tu vois un truc écrit en chinois, tu dis, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu trouves c'est un truc shirki, tu sais même pas. Tu vas porter un nom d'une idole ou une phrase, tu vois? Le muslim, il est attentif à ce qu'il y a autour de lui, parce qu'il sait qu'à la base, il est écrit pour adorer Allah Azzawajal, et que le shirk, on le répète sans cesse, c'est le péché le plus commis au monde au quotidien. C'est le shirk, c'est le péché le plus commis et le plus banalisé qu'il y a au monde au quotidien. Tu vas trouver des koufars loyaux, tu vas trouver des koufars honnêtes, tu vas trouver des koufars fidèles, et ainsi de suite, avec plein de qualités, plein de vertus. Mais il n'y en a pas un qui ne fait pas du shirk. Le shirk va te le faire. Car quand tu n'es pas un musulman, tu ne connais pas le tawhid, tu tombes dans le shirk inévitablement. À part les prophètes qui ont été préservés d'avant leur de recevoir leur message, eux ils étaient préservés de commettre du shirk, d'accord, et les kabaïr, par rapport à ça. Donc là, à notre époque, après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé, tu verras que les gens, le shirk, ça va être monnaie courante. Et le tawhid, qui est la plus grande des sciences, la chose la plus valeureuse qu'il y a, la chose que Allah Azzawajal préfère, et la chose que Allah Azzawajal nous a ordonné d'accomplir, c'est la chose la plus négligée, la plus méconnue et la plus délaissée qui soit. Et là, je parle pour les musulmans, je ne parle même pas pour les koufars, je parle pour nous. D'accord ? Je parle pour nous. Donc ces gens-là, quand tu veux leur dire, c'est que, hein, ils vont dire c'est que un jeu, c'est que un sport, c'est que ceci, cela. On dit c'est que. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, « Ma qadallahu haqqa qadalihi » qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Les gens, tu leur prends pour la dunya, il y a des choses qu'ils ne vont pas admettre. Dans la dunya, il y a des choses que les gens ne vont pas admettre. Tu vois. Concernant leur famille, concernant leur argent, concernant leurs proches, leur travail, et maintes de choses. Si tu touches à ça, ils ne vont pas accepter. Tu leur portes affront à ça, ils ne vont pas accepter. Ils vont s'énerver, ils vont peut-être même t'en être te tuer. Tu vois, t'en as, tu insultes sa mère, il peut te tuer pour avoir insulté sa mère. Tu vois. Tu touches à son argent, il va se défendre. Il va t'agresser. Ainsi de suite. T'en as, c'est pour leur quartier, ils se battent. T'en as, ils se battent, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Ainsi de suite. Et là, quand ça touche au droit d'Allah Azzawajal exclusif, c'est qu'un jeu. C'est rien, c'est pas grave. Tu vas prendre les gens, par exemple. Je donne souvent ces exemples parce que dans ma famille, moi, quand je suis martiniquais, j'ai beaucoup de noirs autour de moi, donc je donne l'exemple. Chez ceux qui sont trop accrochés à leur ethnie. Là, je parle de noirs parce que c'est mon ethnie à moi, tu vois. Les pro-blacks, entre autres, qui sont là, qui se révoltent, bon, ils ont le droit, hein, c'est légitime, de ce qui s'est passé comme traite des noirs, ce qui s'ensuit. Demain, on leur dit, viens, on fait un tour en bateau. On fait une croisière en bateau, comme ça et tout. On dit, vas-y. Là, il y a un plan pas cher, c'est un négrier, viens, on monte dessus et tout. Ça veut dire quoi? C'est quoi un négrier? C'est les bateaux qui ramènent les esclaves. On dit, viens, on fait une croisière en négrier. On va dire, jamais de la vie, je monte là-dessus. Je fais, pourquoi? Ce bateau, il y avait. Ça y est, c'est le bateau, ça y est, maintenant c'est devenu. Il y a plus de. On va pas vendre d'esclaves, on va juste faire une balade avant mer. Non, viens là. Non, il va pas vouloir, il va crier. Jamais de la vie, je monte là-dessus. C'est l'offense à mes ancêtres, à mon histoire et blabla. Je suis d'accord, vas-y, assieds-toi. Toi, par exemple, ce que tu en as acheté tout à l'heure, là, c'est moi, je voulais l'exemple, l'Algérien, tu lui dis, viens, on fait un collège, on l'appelle Paul OCRS. C'est qui Paul OCRS? Non, moi, je le savais pas avant le dernier, j'ai dit, on l'a cherché. C'est l'un des généraux français qui ont participé au massacre des Algériens. Va faire un collège à son nom en Algérie, va. C'est juste pour apprendre à les raconter, à écrire, c'est rien derrière, tu vois, si on veut faire les Algériens. Ou même, comme tu me disais, en Afrique, on met des établissements, Charles de Gaulle. On a amené Charles de Gaulle là-bas. Ils ne vont pas accepter, les gens. Pourquoi? Que ça touche à leur histoire. Mais quelle histoire? L'histoire de la créature. Mais quand on parle dans la Zawadjel, ça, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. On aurait fait un jeu ou une chose basée sur le nom d'une personne qui vous a fait du mal, vous n'aurez jamais accepté. Jamais. On aurait fait une chose qui se nomme par quelqu'un qui t'a fait du mal à toi, personnellement, à ta famille, tu n'aurais jamais accepté. Mais quand c'est Allah, c'est simple. Ça fait penser au verset où Allah Azzawajal dit à propos des mouchilikoun qui faisaient des offrandes, il disait lorsqu'ils avaient une offrande qui était pour leur associé, leurs idoles, il n'y avait aucune part qui allait pour Allah Azzawajal. Mais ce qui était pour Allah est partagé pour les deux. Il y avait pour Allah et pour leurs associés. Allah dit bien quel mauvais jugement qu'ils avaient. Eh bien, les gens aujourd'hui ont fait la même chose, ont produit la même chose avec ce genre de phénomène. Quand c'est pour Allah, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, c'est juste un jeu, c'est juste ceci, ah, c'est rien, tu vois. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, ils jouent. Les gens, ils font que jouer. Il y a qu'au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ou à Mali, ou les Dunya. Il y a qu'au Winama Masali, qui est Masali Raqib, Tarte Shajara, ou Yastazil Tarte Shajara. Fayastazil Faraha Summa Tarakaha. Il a dit, qu'est-ce que cette Dunya? J'ai quoi comme rapport avec cette Dunya, moi? Il a dit, mon exemple, c'est comme l'exemple d'un voyageur sur sa monture, d'accord? Cette dunya, il a dit, c'est quoi? C'est comme un arbre sur lequel ce voyageur s'installe, il prend de l'ombre parce qu'il y a du soleil, il se repose un peu, après il part, il la délaisse. Cette dunya, c'est tout. Aujourd'hui, cette dunya, c'est devenu l'objectif. On dit, non, cette dunya, c'est un passage. C'est pas un objectif. Pour les gens, c'est un objectif, la dunya. Il y a encore pas longtemps, je parlais avec un membre de ma famille. D'accord? Kafir. Il y avait un match de foot il y a pas longtemps, je sais pas c'était qui. Et il m'en parle, il voit que j'en ai rien à faire. Et après, il me dit, et le foot aussi, c'est haram. Enfin, il me dit pas haram, c'est interdit aussi le football. Moi, j'ai pas voulu l'accabler, tu vois, avec les règles de halal, halal, haram. Parce qu'ils vont dire, toi, t'es, voilà. Et avec toi comme musulman, tous les autres autour de toi, ils sont pas comme toi. Je l'entends tout le temps, celle-là. Je lui dis, écoute, ça m'intéresse pas. Allah, ça m'intéresse pas. Déjà, on short toujours du cours d'un ballon. Je lui dis, excuse-moi, mais dans la vie, j'ai autre chose à faire. Il dit, mais la vie, elle est triste avec vous. Tu vois, je lui dis, j'ai pas été créé pour avoir la joie dans la vie. Et dans la vie, j'ai de la joie. Alhamdoulilah, j'ai de la joie. On a de la joie. On est triste, non? Regardez, on rigole. Subhanallah. Seulement, notre joie, nous, elle est maîtrisée. La vôtre, c'est l'extase. C'est, tout est permis. Vous êtes là pour jouer. Nous, on est là pour adorer la Zawajel. On est là pour vivre, pour préparer la mort. Et malgré tout, dans sa rahma, Allah nous a donné des moments de bonheur, des moments de joie. Il dit, comme vous, on est triste. On a des déceptions, on a des peurs, des angoisses, mais elles sont limitées. Car on a un espoir que vous n'avez pas. Nous, cette dunya, on sait, on est là pour un temps. Vous, vous ne pensez pas à la mort, nous, on pense à la mort. Parce qu'on peut diverger sur plein de choses. Une chose sur laquelle on est tous unanimes, c'est qu'on va mourir un jour. Ouais, mais vous ne savez pas ce qu'il y a après la mort. Vous, vous ne savez pas, nous, on sait. Et encore, vous, normalement, vous le savez, parce que la personne de ma famille, c'est un Nasrani de base. Je dis, dans ton livre, c'est écrit, c'est ce qu'il y a après la mort. Pourquoi tu crois pas? Parce que dans ton livre, j'ai dit, moi, j'y crois, moi. Vous allez à l'église, machallah, c'est bien. Faut que je dis, machallah, c'est moi qui dis ça. C'est bien beau, et après que tu arrives à la maison, ouais, on sait pas ce qu'il y a après la mort. Bah, ton livre, il sert à quoi? Pourquoi tu vas à l'église? Il dit quoi, le prêtre? De quoi il parle, le prêtre? Il parle de football? Il vous apprend quoi, le prêtre, à l'église? De quoi il vous parle? Sortez de l'église, ça y est, c'est fini, c'est, vous êtes, tu peux être un bouddhiste, tu peux être un athée, c'est normal pour toi. Voilà, c'est-à-dire, vous allez là-bas juste par habitude, et pourtant, eh ben, dans notre oumma, on a des gens, ils sont pareils. Ils vont masjid, mais quand tu parles de djinn, c'est comme si c'était pas musulman. À part qu'il dit alhamdoulilah quand il a mangé, mange pas de porc, tu vois, ce genre de choses. Il est parti faire le hajj, on l'appelle hadji, tu vois, tout ce qui s'ensuit, mais tout le reste, il est comme tout le monde. Non, Dieu, il nous a tous créés, chacun adore à sa façon, et tout. Mais toi, t'as pas compris, non plus. Tu vois, tu dis musulman, mais t'es pas, avec ce discours-là, t'es pas un musulman. Donc là, ça revient à ça, là, quand les gens, tu leur parles de ce genre de choses. Tu vois, ils font des yeux, genre, mais qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Les Jeux Olympiques, c'est haram. Tu vois? Je lui dis, quand tu connais l'origine de ce sport, tu ne peux que le refuser, et ne pas y participer, et ne pas y contribuer, et même pas calculer. Alors, quand on m'a dit, il allait pleuvoir, j'étais tellement content, je dis qu'Allah, il éteigne leur flamme, avec la pluie, qui gâche leur plaisir. Tu vois? Maintenant, il y a des pays d'islam qui participent. Celui qui gagne, il a quoi? Yallah, on va prendre juste ce point-là. Celui qui gagne, il a quoi? Le meilleur, celui qui dans sa discipline, qui bat tout le monde, il a quoi? Et l'or, l'homme, il porte l'or. T'as rien que ça, là, déjà, là, t'es à côté de la plaque. Il va arriver, la femme arrive avec son bouquet, tout le monde va frapper des mains, t'es là, tu vois. On va mettre la médaille d'or, il est trop content. Haram alik. Et les gens, ils ont dit, c'est la fierté de notre pays, la honte de votre pays, wallah. La honte de votre pays. Vous êtes fiers d'un homme qui fait du haram. Par contre, demain, quelqu'un va vous donner un discours comme celui-ci sur un minbar, la fin de khutba, vous allez le descendre direct. Et c'est ça qui arrive aux prophètes auparavant. Parce qu'ils allaient à l'encontre de leur peuple. Quand tu veux que ce genre de discours, les gens vont être contre toi. Il l'a dit, voilà comme Nofel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a aucun qui est venu avec ton message sans qu'il n'était pris en ennemi. Pourtant, là, j'appelle pas les gens à aller tout casser. Hein. Non. Attentat, sûrement pas, rien. Je dis juste aux musulmans, laissez ça, calculez pas, laissez-les entrer, jouer entre eux. Laissez-les jouer entre eux. C'est quand tu connais un kafir, tu veux du bien, fais-lui une siha, explique-lui, qu'il comprenne pourquoi tu n'aimes pas ça. Tu dis ma religion, elle est basée sur telle chose, et ça, ça contredit le précepte de ma religion. Voilà pourquoi. Le sport en lui-même, il est permis. Mais comment, vous le pratiquez, vous? Non. Et pour sur ces préceptes, ce principe, non plus, on ne peut pas. Ah bah demain, je vais faire de lancer de poids, je lance un poids, il n'y a pas de problème. Demain, un frère avec un frère, ils font un peu de lutte, les sahabas, ils ont fait de la lutte, il n'y a pas de problème. Dans le halal, dans la bonne entente, tu vois. Mais eux, comme ils sont habillés déjà, et tout ce qu'il y a derrière, la musique, la mixité, l'argent qui est dépensé, le temps qui est perdu, non, ça, non. Le muslim, quand il fait du sport, c'est voilà, c'est un loisir comme ça. Il n'en fait pas un objectif dans sa vie, genre, si j'ai pas ça, voilà, quoi. Déjà, sachez une chose, les frères de base, il faut qu'on se mette ça en tête. Les sportifs professionnels, d'accord, ils ont beau faire salat, ils ont beau faire le hajj, ils ont beau faire des sadakas, ce qu'ils font, c'est du fisc. Chalahan, ce sont des faux sacs, parce qu'ils sont basés sur du haram, ils l'exposent, ils sont contents. D'accord? Ils ont beau faire ce qu'ils font, d'accord? Chalahan, celui qui a un péché et qui le fait ouvertement, qui perdure dessus et qui s'en réjouit, c'est un fasiq. Que ce soit sport, que ce soit musique, que ce soit cinéma, que ce soit ce que tu veux, t'es connu pour ça, t'es une référence là-dedans, tu ne t'en caches pas et tout, rien, t'es un fasiq. T'as beau défendre la Palestine, on va dire, je disais qu'à l'heure, t'es un fasiq quand même. Là, je nomme pas parce que voilà quoi. On va dire, Taïb, ton droit pour la Palestine est pour toi. Mais ton mal, il est contre nous. Car quand les gens, ils vont voir qui? Quand on va parler de l'islam, c'est toi qu'ils vont voir en exemple. Toi, tu parles de l'islam, tu lèves tes mains quand t'as fait un truc, tu fais Alhamdulillah, tu dis Allahu Akbar, si t'as le courage de le dire, ou autre. Si tu veux dire, c'est toi qui vas représenter pour eux, ils vont pas voir Mohammed, ça, ils vont le voir toi. Dès qu'on parle de musulmans, ils vont dire, comme un tel. Hein? Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu fausses l'image de l'islam. Et quand les gens droits vont venir pour parler, pour expliquer aux gens, eh ben ils vont dire, mais lui, c'est un fou, lui, il sort d'où? Tu vois? Pour eux, l'islam, c'est ce qu'on leur met devant les yeux. Et c'est qui qu'on leur met devant les yeux? Ben, ces sportifs-là, ces rappeurs-là, ces athlètes qu'on va voir ces jours-ci, voilà. Même tome. Donc ça, on dit aux gens, soyez pas dans la rofle. Faut pas que les gens soient dans la rofle. Yaqullah Azza wa Jal, wa ma hadi al-hayat al-dunya illa la'ibun wa lahun, wa inna al-dar akhira la'il-hayawan law kanu ya'lamun. Il a dit que sa vie de ce bas monde, c'est que jeu et futilité. Alors que c'est la vie de l'au-delà qui est la meilleure si jamais il savait. Donc nous, on se concentre sur ça. On a été créé pour cette vie, comme on le dit souvent. On est d'accord sur l'expression verbale. On n'a qu'une vie, faut en profiter. On dit, je suis d'accord avec toi. On va profiter pour faire quoi? Toi, c'est pour aller faire n'importe quoi. Moi, c'est pour adorer Allah, pour, Inch'Allah, rentrer au paradis. Donc ça dit, ouais, j'en profite. D'accord? Et justement, quand j'évite ce genre de choses, j'en profite justement, pour pas que ça va me nuire, ça. T'imagines un peu, tu t'exposes à un châtiement, à mettre la colère d'Allah Azawajel, pour une futilité comme celle-ci, pour une médaille d'or, pour un peu dire, parce que l'autre, il a battu son record, il a couru vite, machallah, t'as couru vite, et alors? Ça t'a apporté quoi? Il y en a dans la rue qui ont plus vite que toi quand tu as plus derrière eux, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça t'apporte quoi? Il y avait Abdullah ibn Aouka, un sahabi, il courait plus vite que le cheval. Mais il courait pourquoi? Pour apporter, il était coursier pendant le djihad. Toi, tu cours pourquoi? Pour un chronomètre, pour avoir une médaille d'or. Aïe, bah, alik. L'or, c'est haram sur les hommes, en plus. Il va dire, ah, bah, les femmes. Va faire courir une femme, vas-y. Regarde comment elles sont habillées, va les faire courir, les femmes. Même leurs vêtements, c'est du fisc, aux sportifs. Même leurs vêtements, comme ils sont habillés, c'est du fisc. C'est Aura Makshoufa, Aura, elle est apparente. Les lutteurs, les couleurs, les footballeurs. Alors, les nageurs, n'en parlons même pas. D'accord? Tous! Peut-être les judokas, alors Alem, tu vois, leur kimono. C'est ce qui est le plus couvert, c'est, voilà, c'est ceux-là. Alors, regarde, je connais pas tous les sports qu'il y a dans tout le reste. Mais même vos tenues, elles sont pas correctes. Tout. De A à Z, c'est du zour, c'est du faux. Sans compter l'origine qui est shirkia de ce genre de d'événements. Donc on rappelle aux gens, voilà, d'ouvrir les yeux, d'être pas dans la rofla, iyakum la rofla. Au début, alors, je partais de chez moi, j'avais prévu un autre sujet. Juste en partant, je vois ma mère, regarde le cérémonie, je suis là, ilaha illallah. Tu vois. Et après, j'ai dit, khalas, on va parler de ça, inchallah, aujourd'hui, parce que je n'y ai pas pensé. Donc, on redit bien, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour le tawhid. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il est allé au Yémen, il a dit Il a dit la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah. D'ailleurs, Tembi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un audio d'un frère qui s'appelle Sami Chaouch, qui a fait une bavure sur le fait de dire qu'on ne peut pas traduire. Je ne sais pas s'il est revenu entre temps, moi je reste sur ce que j'ai entendu. Peut-être qu'entre temps, il s'est corrigé, je ne suis pas au courant. Il a dit on ne traduit pas Wahada par unifié. D'accord ? Le fait de Wahada, c'est le verbe, et le masdar, c'est tawhid. Ça vient de Wahada yuhidu tawhidan. D'accord ? Il dit on ne dit pas parce que unifié, c'est-à-dire que Allah, il est éparpillé et on. C'est comme si on rassemblait Allah Azza wa Jal. Déjà, avec l'exemple qu'il a donné, franchement, c'est Qalil al-Wara de dire ça. Et le frère, bah, il n'a pas compris. Car c'est unifié Allah par l'adoration et pas unifié Allah dans son essence. Et en plus, à la base, vers Wahada yuhidu, ça veut dire ça. En français, en linguistiquement parlant, un tajal est shay wahidan, que tu mets de la chose, tu la rends une. Donc c'est unifié en français, c'est exactement ça le sens. Sauf que le tawhid shar'an, c'est ifradullah, tayyib, fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Et ifradullah fi mirtasubihi. C'est tu unifies Allah dans la seigneurie, pas dans son essence. Tu unifies Allah par l'adoration, dans son adoration, pas dans son essence. Tu unifies Allah dans ses noms et dans ses noms attributs, pas dans son essence. Donc, cet exemple qu'il a donné, cette compréhension qu'il a, elle est fausse. J'appelle ça une bavure. Donc, est-ce qu'entre temps il est revenu? Je ne sais pas. En tout cas, cette parole-là, elle est fausse et on peut traduire Wahada Yuhidu par unifié et non pas monotisé qui n'existe pas à la base. Pas la peine d'inventer un, hein. Ça c'est takallouf. Ça s'appelle takallouf, surcharge. Tu t'informes des choses, il n'y a pas besoin. Unifié, c'est un mot, il correspond tout à fait pour dire Wahada Yuhidu. Qu'il soit d'accord, pas d'accord. Peu importe. La chose, on l'a dit telle qu'elle est. C'est une parenthèse. Afouane. Donc, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Les Sahaba ont été torturés, ont été tués, ont combattu pour le Tawhid. Comment aujourd'hui on peut venir s'affilier à eux et dire qu'on est sur leur religion et se réjouir et acclamer ce qu'ils ont combattu? Vous savez, là, les gens là, qui sont là, là, les Jeux Olympiques, qui tapent des mains et qui sont contents, là, c'est quasiment les mêmes qui sont partis voter. Hein. C'est la même sorte de muslimine. C'est Ashab Dunya. Ceux qui sont là que pour jouer. Toi, je dis, il n'y a pas besoin du RN pour te faire du mal. Hein, que tu vas les Jeux Olympiques, là, tu es en train de te tuer ta religion, tu ne t'en rends même pas compte. Pas besoin du RN, pas besoin de Bardella ni de Marine Le Pen. Hein. Tu te tues tout seul par ton ignorance et ta négligence en religion. Et par ton refus d'accepter le conseil. Pourquoi? Pour la Dunya. Pour ton button, pour ton confort, pour ta joie. Tu vois? Et ça, c'est une chose qui contredit le sérieux que le muslim doit avoir. Je vous dis, on a le droit, les frères, de rigoler. On a le droit de plaisanter. On a le droit de faire du sport. Vous voyez? Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, ça y est, c'est. Non. Là, on parle sur un sujet en particulier dans quelques minutes. En réalité, vous voyez, des fois, quand on file le DS, on plaisante entre nous, on parle, on rigole. Même des fois, dans le DS, on rigole. Mais cette rigolade, elle doit être gérée par le djinn. Le loisir qu'on fait, il est géré par le dîn. Le sport qu'on fait, il est géré par le dîn. On n'est pas des laïcs, genre la religion à côté, ma vie à côté, ta religion, toute ta vie, c'est ta religion. Yaqul Allah Azzawajal, voilà tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourir qu'en pleine soumission. Imagine, t'es en train de jouer au football, tu meurs à ce moment-là. Un exemple, il y en a combien de footballeurs qui sont morts sur le terrain? Comme ça, ça vient soudainement. Ou, je sais pas, moi, t'es en train de jouer sur un football, il y a un truc qui vient et tu meurs. En quel état tu meurs? Parce qu'on dirait que la mort, on dirait qu'on a un rendez-vous avec elle. T'as pas de rendez-vous avec la mort, elle vient n'importe quand la mort. Voilà, t'as des nefsumbi ardetamout. L'être humain ne sait pas quand il va mourir. Donc toi, normalement, tu dois être en position de rappeler que tu vas mourir. Donc t'aimerais mourir dans une bonne condition. Imagine que là, t'es là, t'es aux Jeux Olympiques, en train de regarder la flamme, tu meurs. Qu'est-ce cardiaque? T'étais où? Avec qui? Au milieu de qui? Comment t'es mort? Ah, franchement, on craint pour toi à ce moment-là. Et les gens vont dire non, mais t'es juste venu passer du bon temps. Et le bon temps, le vrai bon temps, c'est après la mort pour le Jannah, pour celui qui le mérite. Et bien, quelqu'un qui meurt comme ça, excusez-moi, c'est pas le signe d'une bonne fin, ça. C'est pas, t'es mort au milieu des koufars, content, parce qu'en plus, les gens qui vont aux Olympiques, tu crois qu'ils ont une adawa pour les koufars? Non. Ils vont aimer le sportif le plus performant, même si c'est un kafir. Même si c'est un kafir, ils vont l'aimer. Ils vont l'impressionner, ouais, il est trop fort, regarde ce qu'il a fait et tout. Franchement, j'en ai rien à faire. Allez, il peut courir aussi vite qu'il veut, j'en ai rien à faire, ça ne lui sert à rien. Tu vois? Il peut soulever autant de poids qu'il veut, j'en ai rien à faire, ça ne lui sert à rien. Lui peut nager aussi vite, aller au fond de l'eau, dans la Seine, bah, tiens, va dans la Seine. Voilà, aïb, pour te dire. Pour te dire, t'as vu le Moustawa? Ils vont dans la Seine, il y a toutes les nages à ça de Paris, rien que pour du sport, il va baigner là-dedans. Pourquoi? Pour du sport. Tu trouves ça normal, toi? D'aller dans la Seine? C'est normal, là. Eh ben non, il va se jeter là-dedans pour avoir une médaille d'or. Vas-y, va nager. Va nager, va. Après, mettre ta santé en danger juste pour avoir une médaille d'or. C'est ridicule. Parce que c'est devenu quoi? Une ibada, les sportifs, c'est une ibada pour ce qu'ils font. Les athlètes de haut niveau, là, c'est une ibada qu'ils font. C'est le but de leur vie. Ils vivent pour ça. Toi, tu vis pour la salah, tu vis pour ton siyam. Lui, il se lève le matin, son programme, c'est son entraînement, son rythme alimentaire, tout, c'est son sport, c'est sa vie. Tu dis, moi, excuse-moi, quand je regarde l'heure, c'est savoir c'est à quelle heure le fajr, je me prépare. Tu vois, c'est à quelle heure le vor, c'est à quelle heure le asr, c'est à quelle heure le maghreb. Tu vois, c'est le ramadan, ça commence quel jour, c'est à quelle heure le l'iftar, c'est à quelle heure le sahur. Tu vois, c'est quand la période du hajj. Je parle Umrah, c'est ça qu'on regarde en premier. Après, le reste, ça suit derrière. Tu vois? En fait, on adapte la dunya à notre dîn, et non pas le dîn à la dunya. C'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Ils rentrent, ils font la dunya, et si le dîn va avec, allez, on fait, par exemple, le travail. Je fais salat, si mon patron me laisse la faire. Je fais ma'achallah, c'est ton patron qui t'a créé. Ouais, mais c'est lui qui me paye. Et ton patron? C'est Razak, il te paye, mais c'est qu'une cause ton patron. Demain, ton patron, il peut disparaître, il peut mourir. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir toi aussi? Si tu demandes de vivre, tu vas faire quoi? Tu vas mourir? Mais tu auras notre travail, c'est tout. Tu vois? Donc les gens, en fait, c'est leur dunya qui prime. Donc voilà pourquoi on est dans ces déboires et dans ces catastrophes. Car ils pensent dunya, ils ne pensent pas din, en premier. Ils pensent dunya. T'en as, les gens sont là, Palestine, la plupart là, ils sont en train de kiffer les Jeux Olympiques. Là. Tu vois que tu vas aller les Palestiniens. J'ai même vu une fois un tweet. Une journaliste, arabia, je sais pas d'où elle est, elle dit, c'est un crime des gens qui étaient censés, des sportifs palestiniens, ont été assassinés pour ne pas participer aux Jeux Olympiques. Je suis hamdoulilah pour eux. Parce que je crois qu'ils vont aider leur pays en allant en courir. Vous avez 16 ans, mais vous n'avez rien compris au combat pour la Palestine, vous n'avez rien compris. Voilà pourquoi vous criez, vous pleurez, vous tapez des pieds, il n'y a pas de victoire. C'est l'une des causes. La base du combat, il n'a pas été connu, il n'a pas été compris. J'ai toujours dit, demain, le Yahoo dit, il donne la Palestine, je t'aimerai toujours pas. Tu me donnes les États-Unis entiers, je ne t'aimerai toujours pas. Tant que tu n'adoreras pas Allah. Et ça, c'est pas être, comme ils disent, antisémite. Je suis anti-koufar. On dit tout le temps, je suis pas antisémite, je suis anti-koufar. D'ailleurs, on peut pas être, expliquer le mot antisémite, ça veut dire qu'on peut pas être antisémite en étant musulman. Car dedans, ça rentre les prophètes d'avant, ça rentre même les Arabes dedans. Je peux pas être antisémite, c'est pas vrai. Mais j'aime pas les Yahoudis, j'aime pas les Nasara, j'aime tout ce qui est pas moussé, mais j'aime pas. D'ailleurs, pareil, c'est une parenthèse que je vais faire aussi au passage. J'ai vu pareil. J'étais tombé sur une parole d'un Safi, on l'appelle comme ça, c'est un Safi qui s'appelle Vincent Souleyman, qui a fait un rod, justement, au même Chaouche, là, par rapport au fait que on peut avoir des fréquenter des koufars. Tu vois? J'ai dit, t'as vu ça où en islam? Et sur quoi comme Hujjaj, qu'on a le droit de se marier avec des femmes, des gens du livre. On dit se marier avec des femmes, des gens du livre, déjà, c'est quelles femmes, des gens du livre? Ce sont celles comme les Romains, là, qui ont combattu, qui ont aboli les Jeux Olympiques. Personne maintenant, là, qu'on y croit autour du cou, qui croit en tout. Et pourquoi? Parce que l'homme, quand il se met avec elle, il a une emprise, il peut l'amener vers l'islam. Voyez? Après, il sort quoi comme exemple? Le verset où Allah Azawajal, il dit, « Inna kala tahdi man ahbabta, walakinni Allah yahdi man yasha » par rapport à l'oncle du Nabi, sallam, qui est mort. Tu ne guides pas qui tu aimes, Allah guide qui il veut. Déjà, ce verset-là, il y a des ulama expliqués, qu'il y a un takdir derrière, dans le tafsir. C'est que tu ne guides pas ce dont tu aurais aimé la guider, non pas la personne en elle-même. Et quand bien même ce takdir, on l'enlève, Abu Talib, c'était qui? C'était l'oncle du prophète. Donc, c'est les droits de parenté. Parmi les formes d'amour qui sont reconnues en islam, c'est l'amour naturel que tu auras pour tes proches, c'est normal. Parce que c'était son oncle, c'est tout. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas été pareil. Donc ta mère, c'est une kafira, tu aurais un amour pour elle, c'est ta mère, elle t'a élevé, elle t'a porté. Ton père qui t'a éduqué, pareil. Tes oncles ont été auprès de toi, pareil. Mais tu n'auras pas l'amour que tu auras pour un musulman. Mais ça, c'est khas au rahim, au proche. On va pas faire une règle générale que maintenant je peux avoir mon copain du football, mon collègue du travail, on va aller jouer en... Mais si je l'appelle, c'est pour parler de religion. Il veut pas la religion, va faire ta vie, j'ai pas besoin de toi. Tu vois? Pas besoin de toi. On peut pas être ami, tu n'aimes pas, tu n'admets pas, tu m'écrois en la raison pour laquelle j'existe. Comment on veut être copain, toi et moi? T'as des gens pour moi que ça, ils sont pas copains. Pour un quartier, ils sont pas copains. Quand tu viens de telle cité, moi, c'est ouais, on peut pas être potes, toi et moi. Il y en a pour un club de foot. T'en as pour un parti politique. Tu vois? Ils ont plus on va dire, d'attache à leur idéologie que ce Vincent Souleymane pour l'islam. En plus, le Nabi Sam l'a dit, la tu sahib illa mu'mina, wa la yakun min ta'amik, oh illa taqi. Ne fréquente que un croyant et ne mange de la nourriture qu'un homme qui est pieux. Tu veux dire quoi après ça? La tu sahib illa mu'mina. Le Nabi Sam, il n'a jamais eu d'amis koufar. Jamais. Et si jamais tu as une relation avec lui, c'est pour un intérêt. Un truc dunya. D'accord? Ou une nasiha que tu peux lui faire. Et en plus, il dit, oh, il y a des koufars qui respectent. Non, il respecte pourquoi? Parce que tu ne lui as pas montré le visage de l'islam. Ça veut dire que tu es un kafir, tu vas l'enfer, tu vas voir comment il va te respecter par la suite. C'est facile de dire, oui, il respecte. Parce que tu ne lui as pas dit la vérité, tu ne lui as pas dit qui il était. Tu es là en train de dire non-musulman, dis que tu es un kafir. Va lui dire comme ça. Comme... Je ne dis pas de le faire, mais je dis pour les gens qui parlent comme lui, si vraiment tu dis qu'il te respecte, va lui dire des choses noir sur blanc. On va avoir le respect qu'il aura pour toi derrière. Parce que tu vois que le kafir, il t'aime. Il t'aime bien parce que tu ne lui as pas dit encore la vérité. Donc tu n'as pas à crever l'abcès, comme on dit. Crève l'abcès, tu verras qui t'a affaire. Tu crois que les Sahaba, ils n'avaient pas un meilleur comportement que toi avec les koufars? Pourquoi ils ont été torturés, les Sahaba? Parce qu'ils ont dit la vérité au Quraysh. Ils disaient la ilaha illallah. Pourquoi Quraysh, ils refusaient de dire la ilaha illallah? Parce qu'ils connaissaient le sens. Bon, aujourd'hui, on va dire au kafir, c'est-à-dire quoi, la ilaha illallah? Et si tu dis pas la ilaha illallah, tu ne mords pas dessus, tu vas aller en enfer éternellement. Tu vois, c'est peut-être le kafir, il va être toujours copain avec toi, d'ailleurs, au cinéma. Lui-même, il va te délaisser, il va dire laisse-moi tranquille, toi. Yaqullah Azawajel, Kulia, Yuval Kafirun, la Abudu Mata Abudun, il a Akhilihi. Ça, c'est un désaveu. C'est pas genre, je fais ta vie, moi, l'amen, mais voilà, non, non. Le verset veut dire, c'est un désaveu, tu n'es pas avec lui. Il a dit quoi, le Nabi sallallahu alayhi par rapport aux croyants? Il a dit, Anabari nikuli mu'min, ya'ish bin azahrain il kuffar, la tatarana rahuma. Je suis innocent de tout croyant qui vit au milieu des kuffars, que leur feu ne doivent pas se voir. Tu sais, c'est quoi un feu? Dans la nuit? Tu vois jusqu'où un feu? Très loin. Tu dois même pas voir son feu, c'est-à-dire que tu dois être loin de lui. Toi, tu dis, tu peux le fréquenter. Subhanallah. Ça, c'est pas des hawa, je sais pas c'est quoi ça. Mais en fait, ces gens-là, quand ils veulent réfuter, c'est pas réfuter la masala de. En fait, c'est parce qu'ils réfutent notre menhaj. Qu'on est des madakhila, en fait. Donc, ils cherchent le moins de trucs pour pouvoir parler sur nous comme ça, quitte à dire des âneries comme celle-ci. Des dingueries comme celle-ci, que tu peux avoir un ami kafir. On a peut-être pas dit le mot ami en soi, mais son kalem l'a amené à ça. Tu vois. Si t'as une raïra pour le din, pour le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, pour le sahaba, tu peux pas aimer un kafir. Maintenant, ça veut pas dire que tu vas léser. Je l'ai toujours dit. Tu lui rends son droit, ils ont des droits. Tu peux être courtois avec lui, poli avec lui, respecté dans un respect qui est légiféré, tant que ça. D'accord, pas de problème. Mais tu ne le fréquentes pas. Et si tu le fréquentes, c'est pour un besoin. C'est pas pour sa personne, par amitié. C'est pour le travail, c'est un collègue, c'est ton voisin, tu passes bonjour, tu l'aides à faire un truc. Voilà, c'est tout. Et tu lui souhaites sa guider. Sans quoi, t'as pas d'amour pour lui. Maintenant, ne pas avoir d'amour pour lui, ne pas dire. Aller le torturer, lui faire du mal. Ça, on le blâme toujours. Attentat, tout ça, on est contre à 100%. Et comme je le dis souvent, notre haine envers eux, ce n'est pas leur haine, eux, envers nous. Nous, notre haine, c'est on ne t'aime pas. Mais on ne touche pas. Eux, leur haine, c'est on ne nous aime pas et on nous fait v'là le mal. On est discriminé à tout va. Bah, je n'ai pas fait ma victime, hein. Franchement, j'en ai rien à faire. La discrimination qu'on a ici, elle est normale. On ne sera pas mieux traité que les Sahaba à l'époque de Quraysh. Hein. Les gens disent on veut ça, ouais. Ça je vais faire un autre kélima là-dessus par rapport à ça, à notre moment, Inch'Allah. Là, c'est un discours de victime. Dans le Coran, les Sahaba, comme qu'est-ce qu'ils ont vécu, toi, t'es un petit prince à côté d'eux. T'es là, ouais, la France, islamophobe, ils nous aiment pas, on n'a pas le droit, mais il faut arrêter, là. Il faut se réveiller. Tu vois. Dans le Coran, là, il te dit qu'ils t'aiment pas. Tu t'attends quoi de plus? Que le Coran, il change pour toi? Tu penses que tu auras un privilège qu'ils n'ont pas eu avant toi? Hé, je dis, on est dans une rough là, c'est incroyable. Tu vois. On vit. C'est un terme que j'ai appris ici souvent, il dit c'est lunaire. L'expression c'est lunaire. Tu vois? Voilà, c'est lunaire, voilà comme ils disent. C'est incroyable, voilà, le djahel. Et quand tu ramènes ce discours-là, eh ben tu vas ramener peut-être peu de personnes, mais qu'ils auront bien compris, Inch'Allah Ta'ala, mais tu vas faire fuir beaucoup. On le dit, l'islam, c'est une religion. Elle a des fadha'il fil akhlaq. Elle a des vertus. Soyez plus, on va faire ça là-dessus. Hein. Inch'Allah. Des akhlaq. Mais ce ne sont pas des piliers dans la religion. Ces akhlaq, ils sont là pourquoi? pour attirer, pour t'emmener vers le cœur de la chose. D'accord ? En islam, on ne ment pas. En islam, on ne vole pas. En islam, on ne trahit pas. Il y a plein de vertus qui font partie de la religion. Les gens ont dit, ouais, j'aime l'islam pour ces vertus-là. Ces vertus-là, tu vas les trouver chez les koufars. Tu vas trouver des koufars plus honnêtes que des muslimines. D'ailleurs, les muslims le disent, hein, en France, on est mieux traité qu'au bled. Tu vois ? Tu vas trouver des koufars plus véridiques que des muslimines. Tu vas trouver des koufars moins grossiers que des muslimines. Tu vas trouver des femmes kafirates plus pudiques que des muslimates. C'est pas toutes, mais tu vas en trouver. Ça veut dire qu'ils ont raison. Tu vas trouver des philosophes avoir des phrases de sagesse immenses. Des vérités qui vont dire, c'est trop fort ce qu'il a dit là. Tu vois ? Tu entends des fois, j'écoute des sons de koufars, même des politiques, ils disent ce qu'il dit, c'est trop fort. C'est hack. Mais à côté de ça, il va dire une dinguerie qui va tout effacer ce qu'il a dit auparavant. Tu vois ? Il va dire des vérités, des fois un kafir dans un débat pour avoir raison sur un muslim. Là, j'ai eu des débats avec des gens comme Zemmour, il va faire taire des muslimines, hein, avec leur religion. De toute la salle là, qui vont voter, là, Zemmour, il va tous vous faire taire. Peut-être même les Jeux Olympiques, il va tous vous faire taire. Tu vois ? Et il aura raison. On ne va pas le défendre parce que c'est Zemmour, on l'aime pas cet homme-là, tu vois. Mais on va dire, il a dit la réalité. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Yahoudi, il a dit, il n'a comme touché le kuntunat didoun, parce que les Sahaba juraient par la Kaaba, c'est un juif qui leur a fait le blâme. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit vrai. Et bien si demain Zemmour dit le haq, il dit oui, il a dit vrai. Si Marine Le Pen a dit le haq, il dit ouais, il a dit vrai. Si Trump, il dit, je dis ouais, il a dit vrai. Je suis pas un traître, je dis, c'est la vérité, il a dit vrai. Je l'aime pas, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'as dit la vérité, mais c'est un gros menteur. Quand le haq il l'a dit, il faut dire oui, c'est vrai. Et demain, un musulman, ça peut être même le plus grand des machères que j'aime, il va dire une fausseté, je vais dire non, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Il faut être adl. Donc le shahid de cela, c'est qu'aujourd'hui, d'accord, tu vas trouver justement des vertus d'islam chez des gens qui ne sont pas musulmans. Plein. Donc si jamais toi tu t'accroches à ces vertus-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, tu vas rester avec eux. Et pourquoi tu traînes avec un tel ? Parce qu'un tel, il ment pas, alors que l'autre, il n'arrête pas de mentir. Je suis l'autre qui fait du shirk, il fait non. L'autre, il est dedans de matin au soir. Donc, t'as pas compris le shirk et le tawhid. T'as pas compris c'est quoi la lance et le désaveu. Donc, à la base, l'islam t'attire. C'est-à-dire, quand quelqu'un, tu l'appelles au tawhid de base, tu lui fais tout comprendre. Inch'Allah ta'ala, il va tout comprendre. C'est comme ce qu'il y avait auparavant. Ces gens-là, comme Ahmed Didat ou Zakir Naik ou tous ces prédicateurs qui appellent les gens du livre, en montrant les faussetés de leur livre. Ils vont débattre avec les chrétiens pour montrer la fausseté de leur livre. D'accord ? Ils ont du ilm là-dedans. Alors, quand on est islam, le ilm, il est faible. En tawhid, il est faible, ces gens-là. On va dire, Tayeb, demain, tu vas appeler un chrétien, tu vas le débattre avec son livre, montrer les contradictions de ton livre. C'est bien. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il va dire que le Coran, il est vrai ? Non. Il va juste dire, ouais, c'est vrai, il y a plein de mensonges dans mon livre. Peut-être dans ton livre aussi, il y a des mensonges, alors. Là, il va douter de tout. Tu vois ? Donc tu vas lui prouver que sa religion est fausse, mais ça veut pas dire que pour lui ta religion sera vraie. C'est pas garanti. Peut-être qu'il va y croire, peut-être qu'il va pas y croire. Mais si il met de mettre un peu le tawhid, il va tout comprendre. Son livre il est faux aujourd'hui, que les yahouds qu'ils font c'est faux, les bouddhistes c'est faux, et l'islam c'est le vrai. Et même demain il va avoir un musulman qui va lui faire le plus grande trahison, il va dire c'est lui qui a fait ça, c'est pas l'islam. Et même demain quand les gens sont accrochés aux vertus, aux akhlaq seulement, et ben dès que les musulmans vont faire du mal, ouais, ils vont douter de l'islam. Ouais, c'est quoi cette religion, vas-y, je pensais que j'allais trouver la fraternité, j'allais trouver l'entraide, j'allais trouver tes paix, t'es pas encore en islam pour les gens, t'es rentré pour Allah, Zawajel. Si tu rentres pour les gens, tu vas aller nulle part, hein. Tu vas être déçu, c'est sûr et certain. Tu vas être déçu, les gens. La Oumma aujourd'hui, dans son, on va dire, la majorité de la Oumma, ils sont dans un égarement, dans l'ignorance. Tu vas être déçu. Si demain tu fais l'Hijra pour les musulmans, tu vas rentrer en France direct. Tu pars pour Allah et son messager. Et pour faire comme on fait les sahaba, attends pas des gens. Si t'attends des gens, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire. Même demain, t'attends des gens, tu vas même pas oser faire salat en jamara. L'imam, il va te saouler. L'autre à côté de toi, il veut s'écarter. L'autre, il passe pas le salam. L'autre, il fait le salam. Ouais, je vais même pas à la mosquée, tu vas dire. Les gens, pourquoi? Ouais, il passe pas le salam. L'autre, tu colles mon pied, il sauve. L'imam, il va trop vite. Ainsi de suite. Mais tu vas pas pour eux. C'est pas pour eux que tu vas. Donc, nous, on s'arrête pas à ces choses-là. Tu vois? Ces choses-là, à la base, on doit les faire. Mais ne pas les faire ne te sort pas de l'islam. Par contre, le shirk te sort de l'islam. Et là, ce Bertrand que tu préfères à Mohamed, c'est un voleur. Qu'elle a le guide. Mohamed, c'est un menteur. Qu'elle a le guide. Mohamed, il est parti voir les Jeux Olympiques. Qu'elle a le guide encore plus. Mais Bertrand, là. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu, ça se trouve. Tu lui dis, c'est qui Mohamed? Il dit, ah, Mahomet, c'est un homme intelligent. Il va dire, Mahomet, c'est un homme intelligent. C'est Allah qui l'a envoyé? Non, je crois pas. Et ainsi de suite. Quand ça va pas, t'appelles qui? Ouais, j'espère de mes ancêtres. Ouais, je croise les doigts. Ouais, je viens faire à cheval au-dessus de ma maison. Ouais, voilà, sortir des choses. Voilà. Et toi, normal, tu marches avec lui, normal. Quand Mohamed, il a volé, tu pètes un plomb. Quand Bertrand, il te dit, je croise les doigts, normal, ton cœur, il vibre pas. Eh ben, tu dis, c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris à ce moment-là. Et ben ça, c'est à ça qu'il faut appeler les muslimines. Et quand les muslimines seront unis là-dessus, sur le tawhid, vous allez voir que l'islam va se répandre à une vitesse, mais un vrai islam. Pas Oussa, car Oussa Asseil, comme l'a dit Nabi Sarsalem, qu'on sera comme l'écume d'un torrent. Nombreux mais inutiles. Nombreux mais inutiles. Comme aujourd'hui on l'est. Tu vois? Comme aujourd'hui on l'est. Nombreux mais inutiles. On fait rien. Il y a certains individus comme ça qui font du khayr, mais la Oumma dans son ensemble, la masse qu'elle a, que l'on est, normalement, si on faisait les choses, le monde, il est à nous. Bizna ta'ala. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est adorer Allah Zawajal à l'Ojanna. Que le monde soit à nous ou pas, ça va rien changer. Ça sera juste notre épreuve dans cette dunya. Donc le shahid, c'est qu'on ouvre les yeux par rapport au tawhid, qu'on l'apprenne sous ses formes. Ne pas se limiter à ce que le tawhid, le shirk, c'est juste adorer une pierre. Le tawhid, c'est des branches qui sont très larges, très vastes. Et quand on a compris le tawhid, il y a des choses, elles sont évidentes, automatiquement. Qui éviterait à ce qu'on dise ce genre de paroles, comme on a dit aujourd'hui. C'est une chose qui est assimilée. Et après, on peut attaquer d'autres domaines. Pourquoi? Parce que le socle, il est là. Il est solide. Même si jamais tu fais une maison, tu n'as pas de fondation, demain, tu pourras faire des belles fenêtres, une belle toiture, mettre la clim, ta maison, le moindre coup de vent, elle va s'effondrer. Tu auras un beau décor, c'est bien ergonomique, tu auras tout bien structuré et tout, mais les fondations ne sont pas là. Le moindre problème, ta maison, elle est aplatie. C'est un château de cartes, en fait. Elle est belle, mais elle n'est pas solide. Donc, elle ne sert à rien, en fait. Tu vois, elle ne sert à rien. Mais ta religion, c'est pareil. Il faut que tu mettes des fondations. Et une fois que tu as mis les fondations, là, tu commences à décorer et à regarder le reste. Mais aujourd'hui, on rentre dans une maison, ouais, il y a une sale peinture, il n'y a pas de papier peint, il n'y a pas de canapé, vas-y, j'aime pas cette maison. Ouais, mais elle est solide. Et l'autre, là-bas, là, c'est une cabane. À l'intérieur, c'est propre, mais c'est une cabane. Ben, les gens vont préférer la cabane. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a l'écran grand plasma plat. Il y a le canapé en cuir, il y a la cuisine américaine, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est une cabane. Tu vois? C'est une cabane. Alors on dit non, nous on veut une maison avec des fondations. Quand on a des fondations, vous allez voir que Allah Azawajal va nous donner le monde. Après, c'est pas une chose que nous on demande maintenant. Et c'est pas le but de l'islam. Mais ce sera juste une conséquence, un résultat. Quoi qu'il en soit, si on n'a même pas le monde à nous, car Allah n'a pas besoin qu'on change le monde, c'est qu'on se change nous-mêmes, qu'on se réforme nous-mêmes. Et dans la tombe, on sera tout seul, les frères. Dans la tombe, Man Rabbuk, Ma'adiluk, Manabiyuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, tu seras tout seul hein, à ce moment-là, interrogé. Tout seul. Et bien ça, c'est dès maintenant qu'il faut préparer. Dès maintenant qu'il faut préparer. Non. Classe. T'as vu bien d'accord, Abdiyoum, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.